s'empiffrer de petits gâteaux, malmenant leurs stomates à l'appel de l'ego. Le ciel était lourd, l'environ s'ombrageait, le ciel coulait à travers les robinets. Maintes fois, ils avaient ressenti ça, perdus chez les gens et gagnés par le froid. Ils en avaient fait du chemin pourtant, surpris de trouver l'endroit latent. Mais reprends donc un croissant, veux-tu voir ma maison? Moi aussi, je pleure souvent, crois-tu qu'on ait raison? Ils ont eu envie de casser le saladier, ouvrir la porte et de s'étonner. Ils auraient pu tout péter, pousser la voix, à se la casser. Ils ont eu peur de regretter, ils se sont laissés enfermer. Et si tout n'est pas gâché, il reste infini à gagner. Ils ont appris à lire entre les lignes avant d'apprendre à lire. Ils ont appris à lire entre les lignes avant d'atteindre la mire. Oh, yeah, come on, welcome to Splash, welcome to Splash.